prends ce que je te donne. Tout partagé. Si des fois je m'abandonne, c'est passager. Partageons le mystère de notre éternité. De long les jours s'écoulent et nous voici. Le miroir devant nous se déforme. Chasser mes idées noires, traquer l'inconnu. Le bonheur, la perle rare, ces peines perdues. Je ne sais si je m'égare. Parfois si matinale.